一個行くんですよ。あ、やるしみさん。 Faut être dans la mentale, ma gueule. Hein? Eh, hey, ça m'a mis une prod, j'avais pas quoi dire. J'ai pensé à tout à l'heure quand j'étais sur un T, ganté avec le poteau. J'ai fini ma taille, plus rien à perdre. On rentre pas si on n'a pas pris l'auto. Ils font les blindés mais c'est des pauvres. Non, y'a personne qui veut ma peau. Non, jamais, non. Jamais, jamais. Je traîne avec des bandits. T'as déjà vu un mec manger un grec sur un pot? Hein? J'suis face, peau gauche, l'arbreux. Comme ça tu sais j'suis qui. Et demande à tous tes petits vendeurs. Ils vont dire quand j'étais là ils pouvaient même pas sortir. Je leur fais la guerre comme ça j'suis en paix, hein. Parle-moi de papier sinon c'est pas la paix. J'suis dans la bulle quand j'ai un peu bu. Il a appelé au ton, il a entendu bang, bang. On fait la mafia, on est des mafieux. J'suis face, peau gauche, l'arbreux, hein. On fait la mafia, on est des mafieux. J'suis face, peau gauche, l'arbreux, hein. On fait la mafia, on est des mafieux. J'suis face, peau gauche, l'arbreux. On fait la mafia, ouais, on est des mafieux. J'suis face, peau gauche, l'arbreux. Y'a pas de prince dans ma ville, ça vient de Boboche l'abreu. Y'a pas de prince dans ma ville, ça vient de Boboche l'abreu. C'est moi que j'y vais, bah ouais j'y vais. J'suis face, Boboche l'abreu. Faut être dans la mentale, ma gueule. Hein? Mais des couches parce que gris. T'es moque, j'y vais, bah ouais, j'y vais, ça vient de Boboche l'abreu. Déjà, ouais. J'm'en bats les couilles de tout ça, j'fais des freestyles de bandits, j'demande c'est qui ça. Nous, on prend plus des placements, si on est rentré chez toi, c'est qu'on sait ce qu'il y a, hein, cogne. En vie, j'suis un bandit, ouais. À mon avis, j'vais pas te sortir un Audi. Un gros RH3, ah ouais, Mani. Hein? Et sa barbe des Loki à main nue, j'pense au papier, des cartes de violet, j'ai déjà palpé. Ouais. Pour être dans la mentale, faut s'adapter. Ouais. Pour me parler, faut que t'aies un PGP t'as capté. Ouais. Une bouteille de dampé. Là je sors les champs. Quand je mets les gants, je suis un peu méchant. En étant élégant, je donne des échanges. Ce soir sur ma puce, j'en rajoute 30. Non, prends-toi pas la tête, je suis pas comme eux. Non. On a rien en commun, eux c'est des commis. Moi j'ai un tocard, il est pas chez moi, il est dans mes mains. Je pète un deux feuilles et je le remets à l'heure. Y'a rien d'étonnant, j'écris dans le sauna. Je suis plus mineur, t'as capté, faut pas une submariner. Faut une Daytona. On fait la mafia, on est des mafieux. Si vache, Boboche l'abreu. On fait la mafia, on est des mafieux. Si vache, Boboche l'abreu. On fait la mafia, on est des mafieux. Si vache, Boboche l'abreu. On fait la mafia, ouais, on est des mafieux. Si vache, Boboche l'abreu. Y'a pas de prince dans ma ville, ça vient de Boboche l'abreu. Y'a pas de prince dans ma ville, ça vient de Boboche l'abreu. C'est moi que j'y vais, bah ouais j'y vais. Si vache, Boboche l'abreu. T'es moque, j'y vais, bah ouais j'y vais, ça vient de Boboche l'abreu.